61e épisode, un visiteur dangereux. 328e chapitre, où les Indiens ne sont pas peu étonnés. Suite. Oh oh, s'écria Fabien, ça va mal. Si je m'attendais à celle-là, par exemple, ils sont une ribambelle, ces cocos-là, et je n'ai que 4 balles à leur offrir. C'est plutôt maigre. Et le Parisien se mit sur la défensive. Les choucas demeuraient indécis. L'audace de ces 2 Européens les étonnait, et ils se demandaient peut-être s'ils n'étaient point tombés du ciel. Cependant, excités par un vieil Indien qui semblait plus acharné que les autres, ils se rapprochèrent. L'un d'eux poussa même l'audace jusqu'à avancer d'une 10 pas. Au moment où il se raidissait pour lancer son javelot, Fabien fit feu et l'homme tomba en avant, les bras en croix. Cette exécution donna à réfléchir aux Indiens qui parurent se concerter. Fabien eut l'idée de fuir. Derrière lui, l'espace était libre, mais il se dit avec raison que s'il conservait une supériorité sur ses ennemis, c'était justement à cause de son attitude résolue. S'il battait en retraite, les Indiens se mettraient à sa poursuite. La situation ne pouvait cependant pas s'éterniser. Il fallait prendre une décision. Mais laquelle ? Peut-être les Indiens eussent-ils eu raison des 2 jeunes gens sans un incident qui vint faire diversion. Tout à coup, on vit ceux-ci donner des signes d'inquiétude, puis se regarder avec effroi. Presque au même instant, un hurlement rauque, sinistre, se fit entendre entre les roches. Cette fois, les Indiens disparurent. Par où étaient-ils passés ? Cela demeurait un mystère. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'ils surent rapidement se rendre invisibles, soit qu'ils se fussent enfoncés sous terre, soit qu'ils se fussent dissimulés entre les roches.